Déesse, déesse, quelquefois il était difficile d'être aimé. Nana passe mama, yo na teo, na zogi kakali kobe, yo na bateo mama, na bomba zoto mama. Yeah. kaka Amona Pika